ferai pas sans toi. Ça fait tant d'années que t'attends que je te sorte de là. Laisse les dents parler, l'histoire ils la connaissent pas. Je ferai toi ma reine et tu feras de moi un roi. Je vais te faire quitter le barrio, partir sans dire adios. Je vais te faire quitter le barrio, partir sans dire adios. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Et je me laisse aller, amour et monte avec moi. Andale, andale, où tu voudras on ira. Pour toi je tue comme un sicarios. Après l'amour je fume un cigario. La mala suerte, bye bye, adios. J'ai compte en Suisse et Baracario. J'aime ton côté vida loca. T'aimes mon caractère de losa. Suis-moi le reste on verra. Si je dois m'en aller, je le fais pas sans toi. Ça fait tant d'années que t'attends que je te sors de là. Laisse les dents parler, l'histoire ils la connaissent pas. Je ferai toi ma reine et tu feras de moi un roi. Je vais te faire quitter le barrio, partir sans dire adios. Je vais te faire quitter le barrio, partir sans dire adios. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si tu roules avec moi, à deux on ira plus loin. Je te sors de ta favela. N'attends plus ma chance, viens on y va.